Ce panneau signale un accès interdit aux véhicules à moteur à l'exception des cyclomoteurs. Les vélos et les cyclomoteurs peuvent passer.